disquequebec.com. Bonsoir les amateurs de musique progressive, vous êtes à l'antenne de CKRL 89.1 à Québec et vous êtes en compagnie de Bruno Côté, Jean-François Lamarre et France Carrier. Et ben bonsoir France, bonsoir Bruno. Bonsoir. Et on nage dans l'abondance de musique progressive ces temps-ci. On a eu une émission spéciale sur King Crimson la semaine passée et je pense qu'il y a eu une belle réponse. On a su de la direction qu'il y avait une avalanche de téléchargements qui dépassait de beaucoup ce qui est habituel. Et on était déjà au début de la semaine. Mais il y a d'autres choses, une très grande nouvelle qu'on... Ben en fait, on a commencé à en parler la semaine passée. C'est le festival Terra Incognita qui change d'appellation. Hein? On oublie la convention qui faisait peut-être un petit peu élitisme ou un petit peu sectaire. Et on prend la dénomination festival parce qu'en réalité, c'est un festival. Et il y a beaucoup de belles choses qui nous attendent. As-tu besoin de la feuille, France? Tu vas nous faire la nomenclature de ça? Je vais vraiment rappeler un peu. Michel nous a fait une belle surprise cette semaine en annonçant la programmation. Ben oui, la programmation complète a été sortie. La semaine passée, on vous parlait de Kinetic Element, qui est un très bon groupe, une très belle surprise là, qu'on a eue en cours d'année avec un très, très bon disque là, qui s'appelle Travelogue, qu'on a déjà entendu, mais on va l'entendre encore ce soir. Et d'ailleurs, l'émission, presque, pas au complet, mais disons, on va faire un petit tour de tous les groupes qui vont jouer au festival Terra Incognita. Donc, tu vas nous en faire la nomenclature avec les dates. Oui, le vendredi soir, le 20 mai, c'est RPWL. Je ne sais plus si on le prononce comme il faut. Ben, je pense qu'on dit RPVL. RPVL, qui vont jouer du Pink Floyd des années 1969. Ben oui, c'est le concept là, de Man and the Journey. Et on reviendra un petit peu là-dessus un peu plus tard. Le 21 mai, ben, ça va être l'ouverture avec un groupe québécois, Inner Odyssey. De purs inconnus, je pense, pour les auditeurs de Terra Incognita. Non, c'est une farce, ça, parce qu'ils sont passés à l'émission. Oui, puis on fait la première partie de Saga dernièrement. Un très, très bon groupe. Il y a Abel Gans. Ah, ça va être... Disons que dans les derniers mois, là je vois Bruno frétiller sur sa chaise, là, parce qu'il se peut plus, là, il a tellement hâte au mois de mai, je pense qu'il dormira pas jusque-là. Et RP, ben, on peut le dire en français, RPWL, ben oui. qui vont revenir pour la fermeture du samedi soir. Mais là, contrairement au spectacle du vendredi soir, là, c'est leur matériel à eux, parce qu'ils ont beaucoup de disques en studio et c'est vraiment très bon là, ce qu'ils font. Et la dernière journée, le dimanche, le 22 mai, ça va ouvrir avec Kinetic Element. Et de retour, Unreal City. Un retour attendu, je pense. Attendu. Et pour terminer, le festival Sylvan, que j'attends avec impatience. Oui, disons que ça aussi, ça a été une belle surprise là, dans la dernière année avec leur très bon album là, qui s'appelle Home. Mais c'était pas la première fois parce que moi, j'avais l'album X-Ray là, qui est paru en 2004 et ça ne m'avait pas épaté du tout. Mais en 2006, quand ils ont sorti Posthumous Silence, je me demandais ce qui s'était passé avec ce groupe-là. Bon, est-ce qu'il avait joué au-dessus de leur tête? Est-ce qu'il avait sorti quelque chose là, qui les dépassait? Mais non, ils ont sorti Preset après, qui est pas mauvais. Force of Gravity, qui est très bon aussi. On a entendu un extrait des derniers mois. Sceneries, que je connais pas, qui a été peut-être mal distribué. Mais en 2015, avec Home, ah oh ben là, ça... Michel l'avait adoré, cet album-là. Ben moi aussi. Oui, nous aussi. D'ailleurs, j'en ai fait une excellente critique là, dans le magazine Terra Incognita. Et c'est un très, très beau disque. On va entendre des extraits de tous ces groupes-là en cours d'émission. Mais on va débuter avec Mystery, qui nous a offert un très bon spectacle la semaine dernière. Michel Saint-Père et toute sa bande étaient très en forme. Ça va donner un avant-goût en première partie de Neil Morse, mais là, c'était le premier concert complet à Québec. 2h15. Ah oui, 2h15 de musique et beaucoup de virtuosité là, dans ce groupe-là, beaucoup de professionnalisme. Et en plus, il arrivait avec un nouveau disque qui s'appelle Delusion Rain. Et on va en entendre un extrait qui s'appelle The Willow Tree. Et ce sera suivi d'un extrait de Sylvan Home. On va entendre la pièce In Between. Et ben, on a encore de la belle visite la semaine prochaine. King Crimson. Ben oui, King Crimson au Palais Montcalm. Deux soirs qui se sont vendus très, très rapidement, malgré un prix assez élevé. Et aujourd'hui, il y a eu des billets qui se sont libérés. On s'attend que ce n'est pas des centaines de billets là, qui se libèrent. Là. C'est probablement juste des places qui étaient réservées qui se sont libérées. Et pour les chanceux, il y a... On en a parlé un petit peu la semaine passée, mais là, ça s'est concrétisé cette semaine. Ça s'est concrétisé le jeudi. Le spectacle privé. Spectacle privé gratuit pour ceux qui se sont inscrits sur leur web. Sur le site web du groupe, effectivement, il fallait envoyer son nom et si vous étiez sélectionné, ben vous faites partie de la guest list, ce qui est le cas de toute l'équipe de Terra Incognita. Et ben on va entendre aussi un extrait, mais pas de King Crimson, c'est Jaco Jaxis, qui avant de faire partie de la nouvelle mouture de King Crimson, qui avait sorti un disque qui s'appelle The Bruised Romantic G-Club. Et la pièce qu'il reprenait, lui, il l'a nommé Picture of Indian City, mais en réalité, c'est Picture of a City. Et ben, ma connaissance, ça fait partie du répertoire qui va être interprété par King Crimson lors de cette tournée. Mais en tout cas, ça faisait partie de ce qui a été joué, disons, en Angleterre. Donc, on commence avec Mystery, Sylvan et Jaco Jaxis. We'll be right back. some wine and close your eyes.

Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. À CKRL, on est fiers de donner une place de choix aux émissions nocturnes. Errance rénaldienne les jeudis à minuit avec Rénal Gagné, l'autoroute les samedis minuit avec Stéphane Villeneuve, Vincent Delisle et Jacques Dulac, et Nuit tard les dimanches minuit avec James Temple. Ah oui, on a empiété un petit peu là, sur notre deuxième demi-heure. On a terminé avec Jaco Jaxis et une reprise de Picture of a City de King Crimson. Et cette fois-ci, c'était Picture of an Indian City. Et Jaco Jaxis est le nouveau chanteur de King Crimson. Et en parlant de King Crimson, France. Oui, il y a eu un beau dossier sur King Crimson dans le soleil aujourd'hui. Un 5 pages possiblement, et aussi un petit article sur le concert gratuit qu'ils vont donner le jeudi 12 novembre, et aussi sur Musique Richard Gendreau le 14 novembre à 11h PM, Tony Levin devrait donner les autographes. Ben oui, ça devrait être intéressant. Et bon, pour notre deuxième bloc, on poursuit avec Kinetic Element et leur très bon disque qui s'appelle Travelogue, et Kinetic Element qui va ouvrir la dernière journée, hein, c'est le dimanche. Oui. Et on va poursuivre avec une nouveauté du groupe Gaspacho, qui cette nouveauté s'appelle Moloch. On va entendre une pièce qui s'appelle Park Bench. Et on terminera avec le nouveau projet de... Ben, moi, je dirais de Fabio Zuffanti. Je ne sais pas si c'est l'instigateur de ça. Mais c'est Stefano Anini de la Cosenza di Zeno avec Fabio Zuffanti. Les deux signent les compositions de ce groupe-là qui comprend de nombreux invités. Et c'est très épique, des pièces très longues, 20 et 25 minutes. Mais on va se contenter d'une pièce beaucoup plus courte, mais qui fait quand même presque 10 minutes. Et donc le projet, c'est la Cuerva di Lesmo. Et on débute avec Kinetic Element. We'll be right back.

life you can never build too high. And I never saw it. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Téléchargez ou réécoutez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous au podcast de l'émission sur iTunes. À CKRL, on est fiers de donner une place de choix à la musique racine. L'heure H, les mercredis 19h30 avec Hubert Tremblay, Rue d'Auteuil les vendredis 20h avec Michel Dubois, Capestrade les dimanches midi avec Jean-Pierre Chénard et son équipe, Les Routes Enchantées les dimanches 13h avec Denise Leclerc et son équipe, Racine Musicale les dimanches 17h30 avec DJ Bigou et Selecta Jalabaman. La Foire du disque de Québec approche à grands pas. Cette année, plus de 35 exposants seront présents avec des milliers de disques vinyles à vendre. Good evening, ladies and gentlemen. C'est un rendez-vous le 14 novembre prochain, de 10 à 16 heures, au Centre récréatif Saint-Roch, 613 rue du Prince-Édouard. 2$ l'entrée. I'm all right. I got problems. Pour plus d'informations, visitez foiredudisquequebec.com. Vous êtes détenteur d'une carte de membre de CKRL? Obtenez 15% de rabais chez Vap Classique au 3136 Chemin Royal, Québec. Vapclassique.com. Choisissez l'alternative au tabac. Choisissez Vap Classique. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Tania B. Lacasse et Jean-Sébastien Grondin vous convient à Réaction Psychotique. Une rencontre inespérée entre deux pyromanes musicaux. Les lundis 20h, c'est Réaction Psychotique. Psychédélique. Freak Beat. Et nous sommes de retour, et je pense que c'était pas une découverte, parce que Michel en a mis souvent, là, mais la Curva di Lesmo, un nouveau projet de Fabio Zuffendi, qui nous offre toujours des choses assez extraordinaires. Et d'ailleurs, il était avec nous l'an dernier, en 2014, et ça avait été un très beau spectacle. Et c'était précédé de Gaspacho. On avait commencé avec Kinetic Element, qui a des éléments, peut-être, pour employer un jeu de mots, avec Glasshammer. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des petites sonorités Glasshammer, mais il y a aussi beaucoup de bel orgamen dans la pièce qu'on a entendue, Into the Lair. Et c'est quand même représentatif de ce disque-là, qui comprend 5 pièces, 3 de 10 minutes et 2 de 20, là, j'arrondis un peu, pour un total d'environ 70 minutes. Et il y a beaucoup de belles envolées instrumentales et très typiquement progressif. Donc, je pense que ça va être une belle découverte sur scène. Moi, j'ai bien hâte de voir ça. À voir. À voir, absolument. Pour piquer la curiosité de plusieurs personnes. Ben oui, puis on vous rappelle que les billets sont en vente, hein, soit sur le réseau Billettech ou à La Chapelle, hein, Centre d'art La Chapelle. Oui. Et on a eu de la belle visite. Ça, c'était au mois de septembre. 19 septembre, Riverside. Une très belle venue à Québec. Je regarde dans le passé, c'est la première fois que Riverside vient à Québec, je pense à oui. ça. C'est oui. la troisième fois qu'on les voit, mais on les a jamais vus à Québec. Moi, j'ai été assez surpris. D'abord, Marius Duda était, disons, en forme. En forme, oui. Musicalement, il est toujours en forme, mais disons qu'il n'a pas toujours le goût de jaser tout le temps. Et cette fois-là, il était très de bonne humeur. Ça a été très agréable. Puis, c'est un musicien, un performer. Hein. C'est la première partie que j'ai trouvée peut-être moins bonne un peu. J'ai même oublié le nom du groupe. Là. Mais très beau spectacle de Riverside. Et on va entendre une pièce qui s'appelle Separate Me, d'un très bon disque qui s'appelle Love, Fear and the Machine. Et on va continuer avec RPWL un petit peu pour faire le lien avec leur spectacle qu'ils vont nous présenter le vendredi soir 20 mai. C'est le vendredi 20 mai. C'est le spectacle que Pink Floyd faisait dans les années, en 69, The Man and the Journey. Et on retrouve là-dessus des pièces qui, plus tard, ont été mises sur des albums comme Uma Guma. On voit entre autres une pièce qui s'appelle Daybreak. C'est Grantchester Meadow qui est paru sur Umaguma, mais si on y va avec quelque chose de plus concret, il y avait une pièce qui s'appelait Tea Time. Quand ça a été édité sur Atom Earth Mother, c'est devenu Alan's Psychedelic Breakfast. Une pièce assez comique avec... comique. Avec du bacon qui grésille. Ben oui, puis du lait qui fait craquer les céréales. Et ben on entend notre Alan qui se lève le matin puis qui marche là, jusqu'à son poêle, son réfrigérateur, là, puis il se prépare un déjeuner et c'est entrecoupé là, de musique. Il y a aussi une pièce qui s'appelle Afternoon, qui est devenue Bidding My Time. Et Bidding My Time, ben, c'est une pièce que RPWL a repris sur, en fait, c'est pas celle-là qu'on va écouter, on va plutôt entendre Opel, qui est une pièce qui a été composée par Syd Barrett. Mais la pièce Bidding My Time se retrouve aussi sur The RPVL Experience Live. Et ben, c'est ce disque-là qu'on va entendre. Et on va poursuivre avec Unreal City, leur très bon disque, leur deuxième très, très bon album. Et ils nous en avaient fait un extrait quand ils sont venus il y a 2 ans. Et ça, c'est un retour qui est très attendu. Moi, j'ai bien hâte de voir ça. Ils sont rendus à 5 musiciens. Ben oui, ils ont un nouveau musicien qui joue de quoi? Je ne me souviens pas. Ben, il va falloir chercher ça. On va mettre un homme ou une femme là-dessus. Et ce bloc se terminera avec Laté Mielé, qui ont réenregistré leur album Patio Secondum Mateum. Et ils l'ont appelé The Complete Work. Et donc, on y va avec ça. Sounds

Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine e gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. «Salve, re dei Giudei!» Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percossero sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti. Poi lo condussero via per crocifiggerlo. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. À CKRL, on est fiers de donner une place de choix aux émissions nocturnes. Errance rénaldienne les jeudis à minuit avec Rénal Gagné, l'autoroute les samedis minuit avec Stéphane Villeneuve, Vincent Delisle et Jacques Dulac, et nuit tard les dimanches minuit avec James Temple. Et nous sommes de retour après un beau bloc hein, avec la thé miellée, précédé de Unreal City, RPWL. On avait débuté avec Riverside. Oui. La mémoire nous est revenue pour le cinquième musicien de Unreal City, c'est un violoniste. Ben oui, on avait parlé, ben c'est ça qui est le pire, on avait parlé à la maison. Puis, parce que sur leur disque, il y avait Fabio Bielli, je pense, qui a l'air d'être un grand violoniste italien que je connais pas, mais qui était toujours présent sur ben, en fait sur leurs deux albums. Mais là, ils ont décidé d'avoir un membre permanent qui joue du violon. En tout cas, d'après ce que je peux voir. Je ne sais pas s'il sera à Québec, par contre, parce que les épisodes de violon sont quand même assez rares chez Unreal City. Il y a vraiment des beaux passages, là, mais le monsieur risque de s'ennuyer un petit peu pour à moins qu'il y ait de nouveaux arrangements. En tout cas, on verra. On aura la surprise. Et il y a une rétrospective de Spocksbeard qui s'en vient. Hein? Oui, leur 20e anniversaire. Ben oui. Deux CD et un DVD. Oui, c'est ce qui est annoncé le 20 novembre, d'après ce que j'ai vu sur les sites. Et on va revenir sur un très beau spectacle. On avait parlé de Three Friends qui ont été chez nous le 2 octobre. Et c'est un très bon concert, évidemment. C'est toujours bon, Three Friends, avec le sympathique Gary Green et Malcolm Mortimer qui faisaient le tour du public après le concert. Mais on revient sur ce spectacle-là pour sa première partie, qui m'a fait surpris un petit peu là, quand j'avais vu le nom. Là, en fait, on dit deux, mais il n'y a pas de deux. Là, c'est Mollett, Moulettes. Ça a l'air d'un nom francophone, mais c'est un groupe qui est bien anglais. Et ce groupe-là compte dans ses rangs un bassiste qu'on ne connaissait pas, mais qu'on a tout intérêt à connaître. C'est le fils de Malcolm Mortimer, le batteur qui jouait sur Three Friends, l'album Three Friends, mais qui est aussi dans le groupe Three Friends. Mais le reste, à part le batteur, là, c'est des femmes qui jouent, de charmantes jeunes filles. Et il y a une instrumentation qui est un petit peu particulière, qui fait penser un petit peu à Griffon à cause du basson. Mais disons que ce qu'on donne comme référence, puis je serais plutôt d'accord avec ça, c'est plus, on parle de Bjork, mais quand on écoute comme faut, je pensais à Kate Bush, mais sur Wikipédia, justement, elle donne comme référence, je trouve ça intéressant. Et on donne aussi comme référence Gentle Giant, et ils ont repris à Québec, en tout cas, ça semblait être une exclusivité, ils ont repris Funny Ways, qui est une belle pièce de Gentle Giant qu'on retrouvait sur le premier album. Mais pour revenir à Mollett, leur disque s'appelle Constellation. C'est le troisième. Et c'est vraiment intéressant. On mélange un petit peu la pop, le folk, et on se gêne pas pour mettre un peu de distorsion sur le violoncelle et sur le basson. C'est ce qui fait quelque chose d'un petit peu spécial. Et c'était vraiment drôle de voir la réaction des filles qui étaient vraiment excitées là, par la réaction du public. Hein. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Toujours un bon public au Québec. Oui, mais il faut que le groupe soit bon. Là. Mais, oui. Mais je pense que ça a été bon, ça a été apprécié de tout le monde. Moi, en tout cas, j'ai fait une très belle découverte. Ce disque-là, je l'aime beaucoup. Et je me suis organisé pour avoir les autres aussi. Donc, on a dit parmi les instruments, basson et les autres instruments. Moi, j'ai bien aimé le guitariste. J'ai trouvé qu'il avait un style un petit peu spécial. Et parmi les membres, on retrouve... Il y a beaucoup de multi-instrumentistes là-dedans. Il y a beaucoup de monde qui joue toutes sortes d'instruments. Donc, on va écouter une pièce de cet album qui s'appelle Constellation. La pièce qu'on va entendre, c'est Observatory. Et on va entendre aussi un extrait de... Malheureusement, j'aurais aimé mettre une pièce plus longue, mais le temps nous manque un peu. On va mettre la pièce « Close Your Eyes », qui est un des extraits d'une longue suite de plus de 20 minutes. On va continuer ainsi avec « Inner Odyssey ». On vous revient après pour le mot de la fin. Like you find a secret garden, growing all the time but keeping hidden, sprouting up in places long forbidden, in the gap between walls and a crack in the tarmac floor. But I know where to go for the feel, for the thrill, for the kill. We wait in the dark, sit still and listen. following behind the ghost of summer. Those eyes that burn into your soul, left you on your own, a long, long way from home. Denial has left you on your own, a long, long way from.